sono su Marte. Trovo rapper sotto scarpe, le uso nel posto, socio, fatti da parte. Divento un mito, no? Anche tu, racconti quello che ci vedi fare. Resto sereno davanti all'alfa blu. Erba fa culo le rap, dormi e pensi al cash. Svegli e pensi a me, un altro giorno nello, ma mi spiace per te. Dico quello che mi pare, faccio quello che mi pare. Giro un bacino nelle scale, arriva solo chi c'ha fame. Davvero, spengo sogni, peso e peso, prove droghe non le nego. Solo viola ciò che bevo, ci sei falso fra ti vedo. Illuso la squadra, la fa tua, piena di bla bla. Le cui sopra tavola, cosa puoi dire, fa, capisco la rabbia, eh. Tout est un abon pire que ça. Tu sais qu'ici y'a pas mieux. Je vais m'en tirer. J'ai vu des pussies en ville qui voulaient chanter en mineur. J'ai vu des pussies en ville qui voulaient chanter en mineur. Non, c'est pas peur. Toi t'es tout fâché, tu chantes pour les barrettes, pas dans le barrette. Faut rien tout faire, il passe pour une barrette. Là c'est mieux, j'arrête. J'suis pas dispo, j'sais pas comment faire. Pas dans le thème, on veut le pactole pour les bons cocktails. Moi j'ai pas peur. Viens voir ici, 675, ton équipe. Oh là le cachet, maintenant c'est empoché, on passe et on parle en meeting. Bien sûr, je la défonce comme brother. Je veux qu'on passe en croisière, on veut plus les croiser. J'en ai bien plein ma coupe. Ouais, c'est pas très cher la soupe. J'en ai bien plein ma coupe. J'en ai bien plein mon calme. J'en ai bien plein ma coupe. J'suis pas dans le ghetto, mais j'suis dans le bang. Si j'te balance ça, j'lance on veut la coupe. Change de coup. Depuis j'cours comme chat, j'arrache tout, tes coups. J'veux le taire aussi, c'est pas le modeste, ma vie. J'ai le cochon et des maux de tête, ça tu mets. Bouffon, j'ai le coton, la cosse bouffon, vers toi et ta passion. Et je mixe un potion joli, rancheur dans la boisson. J'en ai bien plein dans ma coupe.